donc un peu les filles. Allez, ouais. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne du RIG 90.7 et sur le RIGFM.fr pour suivre la nouvelle saison, la saison 22 de l'émission Johnny de A à Z. On retrace toute la carrière de Johnny Hallyday de 1959 jusqu'à 2017. Et pour une nouvelle saison, je vous propose une vie, évidemment, nous sommes le premier mercredi du mois, un Johnny Hallyday en live. Je suis très heureux de vous retrouver et un peu le trac, il faut l'avouer. Pour une journée de reprise, il faut l'avouer qu'on a un peu le trac de vous retrouver, mais c'est un réel plaisir de vous retrouver et de vous proposer notre émission une année de plus. Prions, mes frères, que cela continue ainsi. Prions. Qu'est-ce que je vous ai prévu pour ce soir? On va parler, actualité oblige, donc de Johnny Hallyday à Bercy. Plus de deux heures de démission avec Johnny Hallyday à Bercy. On va retracer pratiquement tous les Bercy de 1987 jusqu'à 2006. Il va manquer Bercy 2013, Bercy 2015. Il va manquer ça, il va manquer ces deux-là. Mais ce soir, je vous réserve quelques surprises car évidemment, on a eu, c'est sorti la semaine dernière, donc le bon de précommande pour le fameux coffret Johnny Hallyday spécial Bercy. Que contient ce fameux coffret collector Bercy? Plus de 20 heures de concerts audio et vidéo. C'est un coffret métal, un tirage limité et numéroté à 1500 exemplaires. 20 vinyles, plus 10 CD, 5 DVD live, plus un DVD bonus inédit exclusif avec des images répétitions inédites, des entretiens exclusifs. Je peux vous dire déjà que le DVD n'est pas encore prêt, n'est pas encore monté non plus. On aura droit donc à différentes captations, hein, comme le Bercy 87 du celle du 24 septembre 87, celle de Bercy 90 le 29 septembre 90, Bercy 92 ce sera le 25 septembre 92, le Laura d'Atour le 23 septembre 1995 et le Bercy 2003, la tournée plus près de vous, celle du 20 décembre 2003, ça ne change pas, c'est celle qui est sortie il y a 2 ans de ça. Et ce soir dans cette émission Johnny de A à Z, ah oui, non, faut que je dise le prix aussi, non, je dis le prix ou pas? Ouais, il faut que je dise 1000 euros. Voilà. Voilà. Donc, tout le monde ne pourra pas être servi. Tu dis Thierry, quoi? Ça refroidit un petit peu. Oui, c'est comme la musique qui s'éteinte. Donc, ça refroidit un petit peu. Mais on va s'arrêter là. Je vous réserve tout au long de cette soirée quelques surprises au cours de cette émission du genre des premières de Bercy à Johnny Hallyday. On va la retrouver en 90, en 92. Et là, on commence tout de suite par ce fameux flashback tour que Johnny avait donné lors du 30 septembre 2006 à Bercy. Spécial live Bercy ce soir sur l'antenne du RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Voici l'envie. Bonne soirée et bonne écoute à tous.

connaissez mieux sous le nom de Johnny. À son déjà 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Moi, je suis né. Je suis né dans la ville où les murs sont aujourd'hui derrière un terrain où se trouvent les taudis. J'aperçois le père, je le fais grandir. Ne me déconnez pas si je ne sais pas sourire. Je suis né. Pas eu de père pour me faire entrer le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Je suis né dans la rue. J'ai dû me battre pour avoir la fille que j'aimais. J'ai dû me battre encore plus fort pour la garder. De tous les côtés dans la ville on me cherchait. Je suis né dans la rue. Les chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand l'année arrive, moi je retourne dans la rue. Je suis né dans la rue. On parle avec mes frères, qui se dit de chez les rois. On me choisit mes amis, tu sais les meilleurs qui soient. On va me faire changer, mais c'est une course perdue. Vous perdez votre temps, je retournerai dans la rue. Je suis né. Je suis né dans la rue, extrait de Bercy 2006 lors du Flashback Tour. Pour le prochain titre, on va retrouver Bercy 1987, exactement le 24 septembre 1987, la version qu'on va nous proposer, une version soi-disant inédite. Et non, dans la précédente compilation, dans le livre disque Gang, on y retrouve quatre titres de cette tournée, de cette captation-là du 24 septembre 1987. Voici le titre Dans mes nuits, on oublie. Sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Dans mes nuits, on oublie. Dans mes nuits, il y a des images qui brûlent. Dans mes nuits, nos vérités reculent. Mais dans mes nuits, c'est pas grave. Mes nuits, c'est pas la vie. Dans les trucs inédits, hein, dans les petits piaques, dans les pirates, pour ne pas changer dans cette émission Johnny de A à Z. On va retrouver Johnny Hallyday en 1992, le 15 septembre exactement, lors de la première de ce Bercy, enfin ça avait commencé le 14. Là c'est la seconde date, et il y avait le titre « Dans un an ou un jour » qu'on ne retrouvera pas dans ce coffret Bercy. Johnny, Bercy 92. On le retrouve maintenant lors de la première de Bercy en 1990. C'était le 14 septembre. Et ce titre, le titre suivant, qu'on retrouvera donc évidemment dans le coffret de Bercy. Et maintenant, c'est une chanson que je n'ai jamais chantée sur scène. Celui qui l'a écrite, c'est quelqu'un que j'aime et que vous aimez. Je dédie cette chanson à mon ami Daniel Balavoine. que Johnny chantait Je ne suis pas un héros sur la scène de Bercy, c'était le 14 septembre 90. On retrouve Johnny Hallyday à Bercy en 1992 avec ce titre extrait de l'album Ça change pas un homme. Voici la guitare qui fait mal. Guitar fait seront à nouveau lors d'une première de spectacle de Bercy. C'était en 1990, le 14 septembre 90. Une chanson qui a été par la suite retirée dès la seconde représentation. Voici le titre « Deux étrangers ». Pirate, bien entendu. Et qu'on n'aura toujours pas sur, sur le coffret Bercy. Il n'y a pas tant d'amour, il n'y a pas tant de jour. août pour Bercy 2013, pardon. C'était le 20 décembre. Et nous avions, lors de cette tournée, le fameux titre, Le Cœur en Deux. Jamais chanté auparavant, sorti en 1977. Et enfin sur scène en 2003. C'est la rentrée ici sur RIG et vous écoutez l'émission Johnny de A à Z. Trouvera ton image. l'instant, Hard Legs, extrait du Bercy 1995. Oui, ce soir, je vous présente une mission spéciale Bercy suite à l'actualité de Johnny Hallyday sur ce fameux coffret intégral, Bercy presque intégral. Bercy chez Universal. Tu vas bien pour un samedi soir? Tu vas bien pour un samedi soir? Pour le Saturday night and I just got paid. J'ai commencé ce spectacle en m'appelant Jean-Philippe Smet. Et ça, j'en suis plus tellement sûr. Je ne suis même plus sûr du tout. Je crois que j'ai dû oublier cette première identité. Quelque part, quand j'ai commencé à chanter. Parce que tout ce que je me rappelle de ma vie, c'est vraiment quand j'ai commencé à chanter. Quand on dit toujours que le nom qu'on porte, ce sont les gens. Les gens qui vous ont aidé, les gens qui vous aiment, qui vous donnent. Vous, vous m'avez toujours appelé Johnny Hallyday. Alors je pense que maintenant, pour toujours, je vous continuerai à m'appeler Johnny Hallyday. Well, it's 7 and 9 and I just got paid on Tyson money. On a tout notre temps. C'était Johnny, le 29 septembre 1990. La version qu'on devrait peut-être avoir sur ce fameux coffret intégral Bercy, édité par Universal. Il y avait eu deux dates. Il y avait une matinée et une soirée, ce 29 septembre. On verra quelle version nous aurons. On revient à Bercy en 2006. Charrier, tu gagneras, quand la fille sera pour toi. J'enlève une voiture qui attire les regards. Il croyait bien que son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert où les portes de son palais pour recevoir. Coupe vite, Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas. Coupe vite, Charlie, et tu gagneras. La fille sera pour toi. Ouais, pour toi. mais Charlie n'était pas si riche que Jean. Il n'avait jamais de beaux habits, il courait les pieds nus. Il connaissait le pays, où les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son ami, lui soufflait dans le dos. Il a couple fait de Charlie et tu gagneras. Mais je pourrais être totalement heureux ce soir. D'abord parce que, vous savez, je vous entends drôlement bien. Je vous entends super bien. D'ailleurs, si je peux me permettre, je vous dirais que vous chantez vraiment bien. Je peux me vanter d'avoir la plus grande chorale du monde, c'est vrai. Mais alors, pour être totalement heureux, j'aimerais vous voir un peu mieux parce que je vous vois pas très bien avec les lumières sur moi. C'est vrai, c'est frustrant. J'aimerais moi pendant une minute pouvoir vous voir dans la pleine lumière. Est-ce qu'on peut allumer la lumière pour moi 5 minutes? 2 minutes. 10 minutes. Que je puisse voir tout le monde. La lumière. Fantastique. Bravo. Merci. On va voir si vous vous rappelez de celle-ci. Si vous en avez envie, vous pouvez chanter avec moi. Une nouvelle version de Bercy 1995, celle du 27 septembre 1995. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenir. Joue pas de rock'n'roll pour moi. J'ai fait ce qu'un homme devait faire pour mériter ce nom. Mais le doute et la folie marchaient à tes côtés. Tu oses parler de ton retour et de le souvenir. Avec une voix qui grince comme un 47 tour usé. Chaque mot est un mensonge à travers un sourire. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu le crois. Ne te sers pas de souvenirs. mais je vais rester sourd, mais pendant très longtemps. Avec le sourire de la vengeance sur les lèvres, les bras croisés sur le cœur qui marque sous son sang, les yeux tournés vers l'horizon, sortent les rêves, hurlera tes mensonges dans le vent. Nous n'avons plus rien à me dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenirs. J'ai pas de rock'n'roll pour moi. J'ai pas de rock'n'roll. J'ai pas de rock'n'roll. On continue avec cette unplug de Bercy 95 et ce titre That's All Right Mama, extrait donc de la captation de Bercy le 29 septembre 1995. C'est un an d'anniversaire de toi, ça. C'est vrai, j'avais oublié. C'est l'anniversaire de mon batteur, Neil Wallace, ce soir. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. That's all right, mama. Anyway, you do. Well, that's all right, mama. Anyway. spécial coffret Bercy ce soir. Certes, ce n'est pas tous les titres que vous retrouverez sur cette compilation, mais c'en est d'autres encore. C'est ça qui est bien cette émission, Johnny de A à Z. On vous fait écouter autre chose que nous allons avoir dans le commerce. Car il en existe des alternatives. Il en existe plein de versions alternatives. Je vais venir vous voir un petit peu là-bas. Que j'aime, elle vient de là, ou elle vient de là, sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues.

Bercy est à l'honneur ce soir dans cette émission de la rentrée Johnny de A à Z pour sa 22e saison. C'est l'émission 495. Ouh, ça sent bientôt la 500e. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas encore. Mais profitez de Johnny Hallyday là. Bercy 92, Derrière l'amour. Version. Ouais, réarrangée quoi. Qui est plutôt sympa. quitte Bercy 92 pour arriver à Bercy 2003. Et ce titre, qu'est-ce que tu croyais ? Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir, avec cette émission Johnny de A à Z qui revient pour sa 22e saison. Tu cherches déjà une fille. Tu sais, ça ne marche pas. Elle préfère ce qui brille. Ton heure, c'était il y a longtemps. Oui, ça remue des souvenirs. Les filles, donnez-leur 20 ans. Maintenant, tu peux courir. Que la ville n'attendait que toi. Allez, dis-moi. La ville est bien plus dure que toi. Tout seul au coin de la rue, tu regardes la tactique. Tant qu'elle ne te voit pas et que tu resteras seul, c'est une longue, longue nuit qui t'attend. Une nuit sale à en vomir. Ici, tu n'es qu'un perdant. Ah, tu vois ce que je veux dire. Voici un autre extrait de Bercy 1992, un extrait, un titre que vous n'aurez jamais, jamais sur une compilation intégrale ou quoi que ce soit. Peut-être qu'un jour ils le feront, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est déjà sorti dans le commerce, souvenez-vous, c'était dans Johnny History. Voici le titre, J'ai tout donné, extrait de Bercy du 16 septembre 1992. Tout laisser et tout donner, tout partager. je prie, quelque part par mes absents. Chacun de nous a les mots qu'il a choisis. Au jour le jour, rime ma vie, j'en paye le prix. toujours les chiens en laisse. Et puis le nom, j'ai plus la vie, c'est sans arrêt. Non, je n'ai aucune limite, il n'y en a peur, il n'y en a pas. J'ai choisi d'exister. Donner, j'ai tout donné. Donner, j'ai tout donné. Johnny qui a chanté J'ai tout donné du 14 septembre jusqu'au 20 septembre dans à Bercy en 1992. On retrouve tout de suite Johnny Hallyday ici sur RIG et dans l'émission Johnny de A à Z avec ce titre Aimer vivre Bercy 87. Et c'est la version donc du 26 septembre que nous écoutons ici. Tu es écrit dans tes yeux. Quand tu parles de ta vie, c'est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. Cette force qui te porte, j'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux, rien n'a plus d'importance, rien de ce qu'on avoue. Si c'est ton cœur qui bouge, c'est ton cœur qui fait tout.

n'est pas encore terminé. Nous allons avoir droit à deux titres bonus de cette émission spéciale Bercy. Merci. On retourne tout de suite à Bercy en 1990, exactement le 29 septembre, la version que nous aurons sur ce fameux coffret, ce coffret collector Bercy, et le titre Mon petit loup datant du 29 septembre 90, c'est la version de la soirée. De la soirée sera réservé pour le Bercy 2003. Merci beaucoup. Extrait du 21 décembre 2003. Évidemment, on imagine, on le sait bien, lequel morceau c'est. Le fameux Voila Shaking Going On de Jerry Lewis. Et le piano en feu. Mais nous sommes à la radio, donc on le verra pas. J'aimerais rendre un petit hommage ce soir à quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'envie dans le rock'n'roll, monsieur Jerry Lee Lewis. Un petit clin d'œil. Shaking going on. I said, if I'm another baby, we've got a chicken in the bar. Come on over, baby, we've got a chicken in the bar. We're thinking, whole lot of chicken going on. I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. Baby, shake it. I said, come on over, baby. Come on, let's rock and roll. I said, come on over, baby. We've got a chicken in a barn. Who's barn? What's going on? Oh, baby, we've got a chicken in a ball. We ain't shaking. A whole lot of shaking. Oh, now. I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. Come on, shake, baby, shake. Shake, baby, shake. I said, come on over, baby. Let's rock and roll. À cette émission de la rentrée, la 485e émission avec un spécial Bercy, avec l'actualité donc de ce fameux coffret Bercy Collector qui sortira le 2 décembre 2022 au prix de 1000 euros. Oui, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'être venus aussi nombreux pour cette première émission de la saison 2022-2023 et je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine mais dans 15 jours. Eh, ça commence déjà. Je suis incorrigible. À bientôt, tout à tous. Merci encore. À bientôt. Ciao, ciao.